Et maintenant, le dernier test pour cette unité. Yes, to help you learn that new language, practice it now. Listen to the English, say the French in the pause. Et répétez la bonne réponse. Oui, c'est ça. The traffic. La circulation. Fast, quick. Rapide. The metro or underground. Le métro. You take. Vous prenez. If. Si. By taxi. En taxi. It's 10 past 10. Il est 10h10.